Salut Grizzly. Il y a longtemps que je suis pas venu. Ça va dans l'ensemble, ouais. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de revenir sur Ninjam une seule fois. Trop de boulot. Je gagne pas de sous, mais j'ai du boulot. J'en ai profité, je me suis racheté un ampli Vox, je me suis racheté une Les Paul. c'est pas une Gibson la Les Paul, hein. C'est une Epiphone, mais qui est vraiment super bonne. First thing I remember knowing what a lonesome ways of blowing and a young girl's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound. No one can change my mind when mama tried. One hand hungry rebel child from a family making mile, my mama seemed to know what lay store. Despite all my sturdy learning, the world's bad I kept on turning, till mama could not tell me anymore. And I turned in 21, imprisoned with love, with your peril. No one must tell me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but I pleading guide in it, that leave only me to blame, cause mama tried. Donc j'ai acheté sur votre brasse. J'ai demandé surtout qu'il la règle pas et je l'ai réglé moi-même. Dear old daddy, rest his soul. Left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes. Walking out without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned in 21, imprisoned, ring like without peril. No one could steer me right, but Mama try, Mama try, Mama try to raise me better, but that bleeding guy didn't help. Sadly, only me to blame, cause Mama try. The first thing I remember knowing, while the lonesome waves are blowing, and the youngest dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound. No one can change my mind, but Mama try. Ouais, j'ai acheté ça chez Woodbrass. C'est une Les Paul standard Ebony noire. Je l'ai toute bichonnée, toute réglée, refait toutes les soudures d'entrée de jeu. Et vraiment, je suis surpris de la qualité. Pour une guitare à moins de 400 euros, putain. Et le Vox, j'ai acheté un VT40 Plus là. Non, là je suis au resto là. Oui, il y a des magasins chez moi. Le Vox d'ailleurs, je l'ai acheté en magasin quoi. Mais je voulais une Epiphone et personne n'en avait dans le secteur. Ouais, il y a deux. Il doit y avoir même au total avec Tours, il doit y avoir 5 magasins de musique aux alentours à peu près quoi. C'est Thévenet Musique. Ils ont un magasin à Poitiers aussi. Oh, mais là, ils me connaissent bien. Ils sont bien sympas avec moi. Si, exact. Cheveux blancs avec des lunettes.